Êtes-vous prêts pour le dernier podcast? Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Hey, salut Frédéric! Salut Martin! Mathieu Bouillon! Oh! Mathieu qui google des choses pendant qu'il répond au micro et ça n'a pas de classe. Et la jolie demoiselle qui dit « Ah oh, mon Dieu » en ce moment, c'est nul autre que Florence Lompré. Bonsoir Frédéric. Comédienne, auteur, artiste et qui déborde de solutions et de mots inventés. T'es-tu capable de nous inventer un mot tout de suite? Foubilidiboubou. Oui, ça ressemble souvent à du scat, mais voilà. Donc, avant de commencer, ce problème-là, on l'a pris directement au bord les passages dans notre cahier à problèmes. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous ces mots, tous ces problèmes. Sérieusement, vous débordez de problèmes. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous devriez peut-être consulter. Des vies compliquées. Donc, mais nous, on a besoin de ça, vos problèmes. Et vous pouvez le faire en venant nous voir tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages à 20h ou bien nous écrire tout simplement par courriel pasdeproblème@gmail.com sur notre compte Facebook ou bien par Twitter. Hein, comme la semaine passée? Oui. On vient de fermer notre channel MIRC, hein, Fred? Oui. Il n'y avait plus personne, ça faisait 16 ans qu'on n'avait rien reçu. Moi, j'étais tanné. Moi, j'étais le OP. Donc, j'étais là tous les jours pour être modérateur. Et là, il n'y avait personne. C'est comme le chat, la jasette de Pignon sur rue, là, mané. Là. Mais on prend toujours vos problèmes sur Allo Prof. Oui. Donc, alors, cette semaine, le problème nous vient de quelqu'un anonyme, hein, c'est ça? Oui, c'est anonyme, oui, et je comprends pourquoi. C'est épineux, hein? Mais quand même, je suis contente d'être entourée d'un trio masculin parce que j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que vous allez en penser. Alors, je nous commence ça? Oui, vas-y, lâche-toi loose. Oui, vas-y, Florence. Alors déjà, ça commence avec la phrase suivante. Sur une note un peu vulgaire, j'ai une collègue de travail qui dégage des odeurs nauséabondes, au niveau de la noun. Alors, on a déjà fait un problème de collègue qui sentait pas bon, mais là, vu que celui-là était plus spécifique, on s'est dit, on va le prendre. On l'a pris. Et c'est aussi que ça finit pas là, il y a autre chose. Oui, oui. Et ça, c'est encore plus troublant, à mon avis. Comment lui faire comprendre qu'elle sent mauvais de la plotte et qu'une meilleure hygiène intime l'aiderait grandement? C'est très désagréable, car chaque fois que je vais aux toilettes, après elle, ça empeste. Que dois-je faire? Là, alors, peut-être... a mis ce problème-là? C'est anonyme. Mais peut-être... oh, c'est anonyme. Anonyme! Un problème anonyme. Mais imagine, je pense, c'est deux filles dans le fond, puis il y en a une qui voulait passer un message à l'autre. Ben oui, c'est ça. On va aller à plot problème. Je pense qu'on va être obligé de le mettre explicit, celui-là. Oui. Ben, pas mal tout, hein? Mais ouais, c'est ça, c'est un peu... peut-être commencer par utiliser les vrais termes, hein? Ouais. Le... Ouais. Mais quels sont les vrais termes? N'ayons pas peur des mots. Est-ce qu'on sent plus du vagin ou de la vulve? C'est quoi le bout qui pue? Sérieusement, eh bien, pouvez-vous souvent, me dire ça? Ça peut venir de plus loin, en fait. Ah oui, des trompes? du col. Ça du dépend col. Là, de quoi il s'agit. Est-ce que cette femme-là a un MDS? Ah oui. Un problème d'hygiène? C'est quoi maintenant? Le VPH? On dit ITS. ITS, c'est ça. Hein? Oui. Donc ça dépend d'où ça vient quand même. Le VPH, là, c'est pareil que tout le monde, là, quasiment. Mais c'est pas tout le monde qui pue de la ploune. Est-ce qu'on t'a dit ça, Mathieu? Ouais, sérieusement, moi j'ai des tests qui prouvent le contraire. Ouais, on m'a jamais dit ça. Ouf, moi ces tests-là... Hein? Tu crois pas à ça? Je crois même pas à ça. Il n'y a rien qu'une ponce de gin ne peut pas enlever, je pense. Oui, mais est-ce que... moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a différentes parties qui peuvent sentir... Oui, c'est sûr, mais je pense que le vrai problème ici, c'est comment lui dire. Ouais. Parce qu'après ça, ça reste à elle de découvrir là, qu'est-ce qui se passe. Ben, mais je pense qu'elle cherche des moyens d'entrer en communication avec cette personne pour faire passer un message sensiblement difficile à dire. Mais oui, déjà dans la salle, il y a, oh, y a des mains qui se lèvent. Il y a plein de mains levées. D'ailleurs, je l'ai pas mis sur Twitter, mais oui... Vagisil. Oui. Ah, donc, des mots d'encouragement pour un... Vas-y, Gilles. Non, mais laisser traîner son tube de Vagisil sur son bureau. Oui. Non, mais avant ça, je pense qu'il faut connaître... Parce que nous, ben, tu sais, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'en ai pas de noun. Mais est-ce que, comme la bouche, tu sais, une fille peut se gargariser le vagin avec du scope? Non, je ne conseillerais pas de faire ça. Il n'y a pas des bandes blanchissantes pour les grandes lèvres? Non plus. Je ne conseille pas aux femmes de faire ça à la maison parce que là, on créerait une irritation et puis ça risque de faire le même problème. Sinon, moi, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur un site Internet, oui, évidemment, qui propose des remèdes simples pour odeur vaginale, éliminer votre odeur de poisson vaginal. Alors, ce site-là suggère plusieurs trucs, comme par exemple éviter les savons parfumés et désodorisants autour du vagin. On salue les jeunes qui nous écoutent. Oui, salut. Non, mais c'est très sérieux. Ces jeunes-là, s'ils ont des troubles d'odeur de vagin, ils peuvent appliquer vraiment ces choses-là. Ou de mangina aussi. Oui, les mangina aussi peuvent sentir. Le mangina peut sentir mauvais aussi. J'ai une manginite. Nous qui sommes en attente de subventions aux deux paliers du gouvernement, on peut faire une croix là-dessus. Éviter les savons, c'est ça, parce qu'ils disent que même parfumé, même si temporairement on change l'odeur, ça va faire à long terme seulement aggraver la situation. On suggère aussi le changement de serviette hygiénique et de tampon régulièrement, même si le débit est faible. J'ai la misère à rester. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Cybèle qui est justement dans la salle. Bonjour. Qui nous disait en tournée de ne jamais parfumer quelque chose qui n'a pas été lavé à l'avance. Et je trouve que c'est un très bon conseil. Oui, hein, puis... on parle pas de vêtements, là. Non, tu ne parfumes pas ce qui n'a pas été lavé. Donc, si tu es sale et que tu essaies de camoufler ton odeur avec un parfum, c'est non! Tu te laves à la maison. Oui. Mais ça c'est bon aussi pour les sans-bons de toilette, là. Tu sais, comme... Parce qu'on lave pas la toilette après l'avoir empestée, là. Non, mais en même temps, ça finit tout le temps que t'as une odeur un peu de crotte avec un fond de sapin, tu sais. Je trouve pas que c'est... Moi, je me souviens avoir, une paire de souliers qui puent, là, puis acheter des petites boules qui font en sorte que c'est supposé de sentir meilleur, mais ça fait juste empirer l'odeur parce qu'il y a un mélange de... lavande et pieds qui puent. C'est pire, c'est vraiment pas bon. Donc, on fait tout pour éviter le melting plot. Tabarplot. Alors, mais est-ce que... Moi, je vais lire mes solutions que j'avais préparées pour l'autre problème. Non. Mais c'est parce que là, c'est pas vrai. On bifurque la question, en fait. Comment on peut aider cette femme-là? Oui, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas 36 façons de lui dire. Utiliser la nouvelle application Facebook Spotted, qui est une manière de faire des messages anonymes sur les réseaux sociaux. C'est bien bon. Donc, dans le groupe de la job, tu fais « Hey, Rebecca, tu sens vraiment fort de la noune. Please. » Donc, elle ne saurait pas de qui ça vient. Elle ne saurait pas de qui ça vient. Le message serait passé mais de manière anonyme. Mais l'eau-fer, le bon vieux Sharpie dans la cabine de toilette. Genre, tu fais un petit carré, t'écris « Mets ton pouce pour savoir si tu pues de la noune. » Puis t'écris « Tu pues de la noune. » Tu sais, non, mais ça fait juste... Tu sais, c'est comme le jeu de la semaine passée. Si tu y fais penser, elle va y penser tout le temps. Ouais. Je pense, ah oui! Associer le jeu aux odeurs corporelles. Oui, c'est bon ça. Ouais. Ou sinon, il y a toujours de prendre ça sur soi. C'est sûr que ça peut coûter cher, mais si on veut pas faire preuve de méchanceté, tu peux t'asseoir à côté d'elle puis faire « Nadine, j'ai tellement un gros problème, je pue de la plotte, je sais pas quoi faire. Hein? » je vais essayer ça, je t'en reparle dans 2 jours, voir si ça marche. Wow. Revenir, ça a marché. Puis ça peut y faire penser, elle, coudon, moi, je peux-tu aussi? Faut-tu ouais. C'est bon. Je... Mais ouais. Si, si jamais vous avez quelques instants, vous irez sur YouTube, pas googler, mais YouTuber. Michael, non. Jordan, Michael Jordan, c'est oui. ça? Oui, qui à Saturday Night Live avait fait des fausses pubs de justement, il se promenait avec une fille sur le bord de l'eau, puis la fille, elle disait, Michael, je me sens pas fraîche, puis là, il lui expliquait tous les détails. Wow! De... Oui, il était pas fier de ces pubs-là qui endossaient, mais c'est très, très drôle, vous de irez voir ça. Ou ouais. Sinon, souvent, on associe l'odeur forte des vagins à du poisson. Peut-être essayer d'identifier la sorte de poisson en particulier qui rappelle son vagin. Inonder son bureau de ce poisson-là. Et quand elle va arriver, qu'elle va se rendre compte que ça sent rien, elle va peut-être faire c'est problème. Pas normal que je trouve que cette odeur-là m'énerve ouais. pas. Ou tout le monde s'habitue. C'est ça? Oui. Ou tout le monde s'habitue. Tu ouais. mets ce bureau-là sur chaque. Tu mets ce poisson-là sur chaque bureau. un plat machiavélique, ça serait pour un midi, tout le monde, on fait une chasse au sushi. Puis là, les gens sont tous, tu sais, comme complices. Et là, tout le monde faut trouver. Et là, comme, ben non, j'en ai pas sous ma jupe. Ben non, j'en... Fait que là, elle se rend compte qu'elle a du wasabi d'aploute. Ça, c'est une très bonne idée. Je pense que dans la salle, on avait... La méthode Centre Belle, septembre 2006, à la lutte rock. Oui! Ouais, que j'allais déjà mis sur le groupe, ah oui, je que crois. Tu as fait starter tout le monde. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, mais comme il devait avoir 16 000 personnes au moins, criait « Tu pues de la noune », clap, clap, clap, clap, clap. Mais en même temps, là, c'était magique. C'est magique, mais c'est difficile. Ouais, ben. Non, mais peut-être lui dire « Hey, t'étais pas à Raw, toi, en septembre 2006. Regarde la vidéo, ça va peut-être te rappeler quelque chose. » Peut-être qu'elle pourrait, la jeune femme pourrait être victime de plein de lapsus, tu sais, mettons. Ah, oh, je trouve assez que t'as pas d'imagination. D'imagination. Oui. Ouais. Là, elle se rendrait compte, voyons, tout le monde parle de vagin autour de moi. Mm-hmm. J'aime mon vagin. C'est un Jamaïcain. Tout le monde vagin. Tout le monde vagin. Mais il y a pas des jeux de collègues de bureau là où. Tout le monde s'assoit en rond, là, OK, on change de place. Si, avez-vous déjà fait l'amour dans l'ascenseur? Là, ceux qui l'ont fait changent de place. Ben, c'est moins bureau. Ben, non, mais je sais pas. Non, ben, mettons que t'as un bureau funny. Oui. OK? Qui met des jeans le vendredi. Puis, finalement, c'est ça. Puis là, tu dis, OK, qui pue de la noune? Puis là, tout le monde la regarde. Oui. Moi, oui. Je me rappelle de quelque chose d'affreux qu'on avait fait à mon secondaire que je regrette beaucoup, mais si quelqu'un voudrait utiliser la méchanceté, ça serait sûrement quelque chose à faire. On avait un prof qui sentait le poisson, on trouvait, puis on se disait que ça devait venir de cet endroit-là. Donc, c'était un prof qui utilisait un petit chariot. Et puis, on avait collé plusieurs serviettes sanitaires sur son petit chariot. Il avait dû traverser de nombreux corridors avec des étudiants qui la jugeaient avec plein de serviettes sanitaires collées sur son petit chariot. Ah, elle ne savait pas? Non, c'était à son insu. Mais est-ce que le message, tu penses, a été direct pour elle? T'sais, peut-être pas tant. Hein? C'était peut-être pas le bon message. C'est genre, ça, c'est plus « tue-toi ». Ouais. Ouais, c'est peut-être pas le bon message à passer. Ouf. Ouais, non, hein? Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. En même temps, je comprends là, qu'on veut pas défaire la personne. Tu sais, on veut pas la détruire moralement. C'est dur, là. Oui, mais c'est pour ça que peut-être passer par soi-même, tu sais, mais c'est juste que là, t'espères qu'elle, elle va pas aller parler de ça à tout le monde puis que ça va devenir... Oui, j'avais une autre idée. Mais une bonne vidéo de cul de jatte. Tu regardes ça avec elle, tu fais « Hey, il doit avoir des avantages à pas avoir de jambes. Pas puer de la noune. Mais c'est pas dit, ça. De vaginose. Vaginose, oui. Oui? Non, mais pourquoi on ne va pas avec la vérité directement? Parce que c'est pas vrai que t'es... C'est jamais bon. Ça, Geneviève, c'est la pire solution. Écoute, ce podcast n'existerait pas. C'est sûr. Ouais. Ça implique un souper là, rendu. Tu peux pas faire viens-t'en dans un coin, on va fumer une cigarette, puis je vais t'expliquer. Non, ça prend. Pour parler de ça. Dans un coin, Mais je pense que c'est encore pire, Fred, de créer un moment pour expliquer ça. T'es mieux de faire « j'aurais besoin de tel dossier en passant du puits de la noune ». Puis tu sais, tu passes à autre chose. Comme un diachylon. Exactement. Right on! On n'en parle plus. On revient jamais là-dessus. Deux, tu puits de la noune. Trois. Prête, pas prête. Oh, on avait monsieur qui avait... Ouais, c'est vrai. Ça, ouais. C'est vrai. Craquer une allumette. Oui. Ouais, pourquoi pas essayer de lui changer l'odeur de la noune sans qu'elle s'en rende compte. En la faisant fumer de la noune. Non, mais ben, mettons, tu demandes à un des beaux gosses du bureau, tu lui dis, hein, essaie de la draguer pour coucher avec, mais avant de coucher avec, asperge-toi la verge de Febreze et vas-y là, lave. Vas-y là, lave-nous ça. Ouais. Niaise pas avec ça. Il y a dit pas de parfum. Hey, c'est peut-être d'ajouter ça à... Oui, mais du Febreze qui tue les bactéries là, à la source. Peut-être que ça peut être... Ça peut être ajouté à... Du Raid. J'allais dire, ça peut être ajouté à la liste des tâches que le concierge du building doit faire. T'sais. Fait que lui, tu sais, il la connaît pas, la femme. Là. Il va juste dire, bon, excuse-moi, baisse tes culottes. Là. Maintenant, faut que je lave ta ploune. Oui, puis ou, c'est ça, dans les règles de condo, là? Oui, des règles aussi. T'sais. Ben, excusez-moi. Oh! Hey! T'en feu. Nadine! Nue dans un car wash. Nadine, baisse tes culottes! Baisse tes culottes! On va dans le car wash! Ouvre ta fenêtre! Baisse tes culottes! Il y avait que. Mais oui. Comment peux-tu te sauver, hein? C'est drôle. Mais en fait, ça sera pas drôle, c'est très terre à terre, mais c'est généralement dû. Pour que ce soit aussi gros que ça, ça doit être une condition médicale. Ouais. Clairement. Très bon. Oui, mais à ce moment-là, elle a l'air de ne pas s'en rendre compte. Oui. Exactement. Lui faire rappeler qu'il faut aller voir un gynécologue au moins une fois l'an là, pour vérifier. Si gynécologue de bureau? Oui, un gynéclode. Un gynécologie. Wow. Bureau. Très bon, Fred. Je vous remercie. Ouais. Tu sais, si on est gêné d'adresser le problème d'odeur vaginale, ben peut-être qu'on peut lui dire, tu sais, hey, on sait pas, là, on n'est pas sûr, mais on pense que tu sens mauvais du cul. Pourrais-tu checker, s'il te plaît? Y a-tu, c'est quoi, un odoromètre? Ou y a quelque chose qui... On sait que ça vient par là, gars, on n'est pas allé plus loin. Mais là, vite, parce que là, le concierge est proche à te passer. Tu... Ou peut-être passer par le patron, tu sais. Comme ça, quand il va faire son rendu d'employé, ben, il va pouvoir faire les points faibles et il y aura ça dans la liste de points faibles. Et tu termines par les points forts, comme bonne ça, organisation. Point négatif, ça Tu fais la méthode en sandwich. Exactement. Là. Ouais. Ah, oui. Mais quand on avait abordé le problème de la collègue qui sentait pas bon, dans un podcast précédent, mais non, il y en a un que j'avais pas sorti, que j'ai pensé par la suite, c'était lui faire une blouse en feuille de bande. Oh. Et mais je me dis, tu sais, regarde, j'ai concocté cette belle jupe ou cette petite culotte. Oui, un petit sous-vêtement, exactement, en bande. Oui. Oui, oh, ça reste, c'est bon. Mais ça peut créer là, si tu sens plus tes jambes, c'est normal. Ben, à place d'un kit de bouche noire, tu mets des boules à vitre. Oh! Oh! Oui. Aïe, hey, aïe, aïe. Peut-être créer une journée écossaise au bureau. Donc, tout le monde en kilt. Tu sais, ça va puer en avant-midi, mais après ça, va être dissipé dans l'après-midi. Puis, voilà. Au pire, tu fais jouer de la cornemuse avec sa plotte. C'est non, Cinq mais. Mais réalisez-vous qu'on est en train de faire ce problème-là. Oui, on réalise tous. C'est Florence là, qui a mis de la pression. Que... Mais je trouvais ça important d'en parler. Ouais. Mais Florence, toi, je veux dire, je veux pas rentrer dans ta vie. Personnellement, là, c'est quoi cette odeur-là depuis tantôt? Moi, je pense que ça vient de la vaginose, sincèrement. La vaginose? Oui. Ça pue. C'est juste à côté du Quiznos. Ouais. Ouais. Mais donc, le vagin, le sait, là, tu sais, de vaginose. Yes. C'est probablement un des seuls podcasts aussi qu'on peut pas rapporter aux Simpsons ou on peut pas rapporter aux films que JP aurait déjà vu. Hein? Attends. Ouais. Ben oui, il n'y a pas un épisode où Edna Krabappel a eu un problème. Non. Bleh, c'est ça, pas bon! Hey, Madame Krabappel! Et voilà, mais la portion imitation. Sans mauvais! Oh, c'est une ounce horrible! Ça sent pas bon, tu te l'es dit. OK. Donc... ouais, d'ailleurs, on l'invitera, Bernard. Ned Flanders. Oui. Non, mais... oui, je pense que ça se résume à ça, hein, d'aller consulter, ouais, dans le fond. Oui, je pense que c'est soit aller consulter ou droit au but ou ouais, faire passer le message. Lui faire du cheval aussi. La renvoyer. Ouais. La renvoyer, oui. Ça se dit, oui. Ouais. Parce, mais en même temps, tu sais, qui dit qu'on n'est pas dans une situation similaire? C'est-à-dire qu'on... On n'est pas conscient de nos propres de quelque chose. Et, non, mais c'est... Et là, bonsoir, le jeu commence. Oui, le jeu commence. Là, tout le monde pense qu'il pue. Là, c'est clair. Donc, non, mais avez-vous... Les gars, là, tout check. Le monde se sent. Ben oui, ouais. Florence, ça m'a senti le dessous de bras tantôt. C'est un vieux réflexe. Oui. Je regarde tout le temps si Mathieu. Hey, mais on nous a donné tantôt en début de podcast, là, vous n'étiez pas là, mais un biscuit chinois qui est sur la table en ce moment. Oui. Je me demande si peut-être une réponse au problème pourrait se trouver à l'intérieur de ce biscuit-là. C'est une gracieuseté de Pierre-Luc Racine de Trois-Bières que je salue. Hein. Oui. Merci, merci, merci. Ça fait 4 semaines, c'est ma fête. Ouais. Donc. À la, au problème, j'ai une amie... D'odeur vaginale? Oui. Un ami ne vous demande que votre temps et non votre argent. Oh! Voilà! Donc, c'est clair, faut pas lui payer des produits. Non. Passer du temps avec elle. Oui. Ben, aller prendre un spa, ben oui, on dirait que ça m'inspire ça. Aller prendre l'inviter à aller prendre un spa extra-clore ou une affaire de même, là, tu sais, un... Ouais. Quelque chose où tu te dis, hey, tiens-toi proche du jet, tu vas voir, c'est le fun. Quelque chose où tu te dis, hey, elle va se rincer comme ouais, faut. Ah écoute, ouais, enlève ton maillot. Comment choisir le spa? La place où il y a juste des albinos qui sortent, c'est là que tu c'est là, que, c'est là oui, que le chlore est assez fort. Ouais. Pour clore la discussion. Oui. Il faut des solutions préférées. Hein? Mais il doit exister des endroits où ils ont des traitements de... Exactement. Ou s'imposer des civis, comme mettre sa serviette sanitaire du mauvais côté. Oh! Attends! L'initié à la pornographie, tu sais, j'imagine que dans ce domaine-là, ils se disent les vraies affaires. Ouais, c'est exactement vrai. Tu sais, l'affaire travailler dans le monde de porn. Tu sais, ouais, hey, viens, vas-y, ça, tu vas te faire de l'argent, hein? Tu vas être bonne, je suis sûr de tout ça. C'est trippant. Puis là, il y a un gars qui fait, hey, excuse-moi, tu peux te la nommer, mais tu peux prendre ça, tu as ça, puis je suis content de travailler avec toi. La voix de ce gars-là. Ouais, ça, c'est. Je m'appelle John DP, puis. Speed la noon, prends une wet wand. Tiens, je vais me mettre une wet wand sur mon wallet. Puis, okay. Alors, non, mais c'est une solution possible. Mais si vous n'avez, vous, des solutions préférées, venez nous les écrire oui, sur notre forum caché. vos solutions préférées, messieurs, dames. Ben, commencez, vous autres, parce que moi, la mienne, elle vient juste d'être dit, fait que je vais comme la répéter tout de suite. Elle n'a pas été dite, mais je viens d'y penser. C'est demander à son artiste préféré d'écrire une chanson sur ses odeurs. Tu sais, mettons, c'est Kevin Parent, là, ça peut être bon, là, tu sais. Tu sens pas bon. Du bas de la Gaspésie. On te sent de la Gaspésie. T'as une autre sans boisson, tes jeans sans boucard. Tes jeans ça sans boucard. Il y a une odeur de boule, puis je pense que ça vient de là. C'est bon. Florence? Moi, je pense vraiment que ce serait de glisser ça là, dans la conversation, là, en parlant d'autre chose, puis là, tu le dis en passant, tu parles tu pues de la nouille. La méthode sandwich. Un petit coup de cartable en même temps, comme ça, tu sais, c'est bien ancré, puis t'en parles plus jamais. Ah oui, mais où, tu sais, la réunion de bureau, t'as des points de point form au tableau, par exemple. C'est un point de la réunion. Puis un point de la réunion, c'est écrit genre Chantal, pues de la nouille, mais on l'aborde jamais. Allez. Ouais. On le skip. Ouais. On a-tu oublié un point? Ouais. Bon. Elle veut pas. On n'aura pas tout fait le vagina, le varia, mais c'est bon. Ouais. Sinon, moi, ma solution préférée, c'est vraiment l'initier à la pornographie. où le directeur de plateau pourrait lui dire... Un biscuit chinois. Non, mais je sais plus comment je l'ai fait. Fais Monsieur Burns d'abord, c'est drôle. Non, je peux pas le faire. Monsieur Plut. Écoute, attends. Là, j'ai Kevin Parent. Non, mais moi, sans farce, c'est le gynécologue de bureau. Oui. Gynécologue. Le gynécologue de bureau. Au bureau. Ouais. Puis une ponce de gin aussi. Ponce de gin. Mais c'est ça, pas de problème. C'est pas juste des solutions flamboyantes. C'est aussi... des vraies solutions. Exactement. Oui. Boo Earns! Bon. Okay. Moi, je disais Boo Earns. Alors, hey, juste avant de se quitter, je vous rappelle que notre prochain enregistrement est le 9 juillet prochain au bar Les Passages. Marquez ça à l'agenda. Invitez tous vos amis. D'ailleurs, ça me tentait de vous dire que le 9 juillet prochain, nous allons aborder... Comment se désennuyer en avion lors d'un vol interminable? Oh! Hein? De Geneviève qui est dans l'assistance. Et oui. Voilà, donc suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. Merci à Florence Lompré! Experte en vagin! Merci Florence. Florence Lompré. Merci à vous les garçons. Merci Mathieu, merci Martin. Je ne l'ai pas dit dans les autres podcasts, merci Patrick Nadeau de nous avoir fait de merveilleux autocollants. Oui. Venez aux enregistrements publics, cherchez votre autocollant. Est-ce qu'il est dans la salle ici ce soir? Il n'est pas là. Ah. Non. Il est trop occupé à coller de nos collants aux quatre coins de la ville. Ben oui. Hey, merci aussi encore au buffet hein, ce soir. Mathieu, toi, tu y as goûté. Écoute, moi, j'ai goûté. C'était un délice. C'était des capres fourrés avec de la costarde. J'espère, laissez-moi-en, hein, j'espère qu'ils vont rester. Merci à ce traiteur là qui nous a amené. Bon, c'était, ça venait de Araova, là, les souvlaki. Okay. Ouais, c'était bon. Si tu voulez... penses que c'est pas un bon mélange, puis t'es surpris. C'est croquant. Oui. Oh. Si vous voulez vous procurer le merveilleux design gagnant du concours de t-shirt de Andy Boucher, allez sur Mr. Dress Up. C'est Mr. Dress Up /products/pod-problème. C'était cœur. T-shirt. En tout cas, non, mais on le va. Le lien sera. De toute façon, le lien est déjà là. Et merci à Mr. Dress Up. Et allez nous proposer des problèmes. Faites-nous un don sur l'insta.com. On a-tu des choses à plugger? Toi, t'as des choses à plugger? Ben. Qu'est-ce que je pourrais plugger? Qu'est-ce qui s'en vient cet automne? Oui, cet ben, été? En fait, cet hiver, Clore. Revient au théâtre d'aujourd'hui. T'as-tu des prix pour ça? Non, j'ai pas eu de prix, mais. Mais ça s'en vient! C'était full bon pour vrai. Oui, c'est très, très bon. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu ici? Oui. Oui, tout le monde l'a vu. Sauf Martin. Ah, mais lui, il me dit qu'il venait. Mais il vient. Fait que c'est pas grave. Ouais. Fait que c'est ça, venez voir ça. Je vous conseille d'acheter vos billets en novembre, mettons. Bonne idée. Donc, vous le savez, on est début juillet. Là. C'est ouais. Ça. Pressez-vous pas trop. Là. Ça va encore du temps. Tranquille. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça. Allez sur iTunes, votez pour nous. Et le mot de la fin. Tu connais-tu le mot de la fin, Florence? Il est écrit sur le flyer. Oui. Vous avez un problème. Nous avons un podcast. Ouais!